Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je voudrais saluer quelqu'un qui me suit maintenant. Reçois la paix du Seigneur Jésus-Christ. Même si tu es troublé, écoute-moi bien. Tu dois déposer tes fardeaux aux pieds de Jésus-Christ. Ne garde pas les soucis, l'angoisse. Jésus est la solution à tout problème. Au lieu de pleurer, au lieu de t'inquiéter, il faut lui confier tes problèmes. Il prend soin de toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur les psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 31, du premier verset au verset 11. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 31, 1 à 11. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles. Je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Je le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Amen. Je voudrais partager deux vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Cherchons notre refuge en l'Éternel. Ne cherche pas refuge auprès des hommes de ce monde. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien. Tu as un parent qui est hautement placé et tu comptes sur lui pour débloquer ta situation financière. Mais jusque-là, tu n'as pas encore vu le déblocage. C'est parce que Dieu veut t'instruire. Dieu veut t'apprendre à compter sur lui, à trouver refuge en lui et en lui seul. David évoque les raisons qui devraient nous pousser à chercher notre refuge en l'Éternel. Premièrement, il dit ce que Dieu est pour nous. Ce que Dieu est pour nous. Il est notre rocher, notre forteresse et notre protecteur. Il faut bien comprendre ces trois expressions. Dieu est notre rocher, notre forteresse, notre protecteur. Nous n'avons pas besoin de nous réfugier dans l'idolâtrie, le maraboutage. David dit au verset 7, « Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. » Je vais dire à quelqu'un, comment se fait-il que tu dis tu es chrétien, tu vas à l'église, tu vas à la messe et tu portes encore des gris-gris, des amulettes? Comment se fait-il que toi qui as perdu ton mari, on t'a invité au village pour aller faire des cérémonies, on dit qu'on doit te laver avec de l'eau au bord de la rivière, sinon la malchance va continuer toujours à être ton partage, à t'accompagner? Non, tu n'as plus besoin de ces choses-là parce que celui qui protège, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas combiner le maraboutage et la vie chrétienne et Jésus-Christ. Non, un chrétien qui connaît le Seigneur ne le fait pas. Si tu le fais, tu es dans l'erreur. Répands-toi, confesse. Vois un pasteur pour qu'on puisse prier pour toi. David reconnaît que ces idoles ne peuvent apporter aucun secours. Nous nous rappelons des prophètes de Baal qui pouvaient invoquer leur Dieu du matin jusqu'au soir, mais ils n'ont pas été secourus ni exaucés. 1 Roi 18, verset 26. L'autre raison que David évoque qui devrait nous pousser à nous réfugier en l'Éternel, c'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous conduit, il nous fait sortir du filet que nos ennemis nous tendent et nous délivrent. La Bible nous révèle l'existence des pièges dans lesquels le croyant peut tomber, tels que l'argent et l'or. Oui, il existe des pièges. Il existe des pièges. Il dit au verset 3 à 4, il dit, « Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. » Le verset 5 continue en disant, « Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. » Il y a des filets. Mon frère, il y a des endroits où tu ne dois pas partir parce que spirituellement, on t'a tendu un filet, un piège et tu risques d'y succomber. Il y a des pièges. La Bible nous montre par exemple que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux et les gens qui aiment l'argent tombent dans des pièges. Je vais dire à une jeune fille, écoute-moi bien, il y a un monsieur qui a une voiture, une très belle voiture et qui te promet de payer ta maison. Il dit c'est parce que vraiment il a un cœur d'amour. Mais non, il y a un piège. Si tu prends son argent, tu seras piégé. Il y a des gens dont l'argent vient du monde mystique. Dès que tu prends son argent, tu as signé un contrat mystique. Un contrat soit de femme de nuit, un contrat qui risque de détruire ton âme. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu peux tomber dans des pièges. Je vais parler à quelqu'un, tu es chantre. Mais lorsque tu es chantre de l'Éternel, tu ne dois pas brader ta vie chrétienne. Tu ne dois pas brader ton ministère à cause de l'argent. Le premier objectif d'un chant, ce n'est pas de gagner l'argent. C'est de conduire les gens dans la présence de Dieu. Maintenant, sur toi, ta première condition, c'est de voir les cachets qu'on va te donner. Mon ami, tu vas tomber dans des pièges parce que tu risques de te retrouver dans des endroits où tu vas compromettre ta foi chrétienne. La Bible nous dit, l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, se sont jetés dans des tourments, ils sont tombés dans des pièges. 1 Timothée 6, 9 à 10. Le mariage commandité par l'ennemi fait partie de ces pièges. On se rappelle du cas de Saül qui a proposé sa fille en mariage à David pour lui tendre un piège. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 18, 22. Ainsi, les croyants ressemblent à un oiseau que l'on capture après l'avoir tendu un piège. Amos 3, verset 5. Certains pièges peuvent être invisibles et revêtir un caractère spirituel. Les terroristes utilisent des voitures piégées pour les faire exploser et créer beaucoup de dégâts. L'ennemi utilise aussi cette même stratégie pour chercher à nous détruire, pour chercher à te détruire, jeune homme. Nous devons donc prier pour que Dieu nous aide non seulement à détecter ce piège, mais aussi et surtout, nous devons lui demander de nous en délivrer si nous y sommes tombés. Deuxième vérité, Dieu voit notre misère et connaît nos angoisses. Nous avons un Dieu dont le nom s'appelle Yahvé Shammah, le Dieu qui voit, le Dieu qui entend. Il peut arriver que nous traversions des moments de détresse et d'angoisse comme David. Ayons l'humilité de le reconnaître devant Dieu et si possible devant nos frères et sœurs pour solliciter leurs prières. Je parle à quelqu'un, mon ami. Tu connais des difficultés, mon frère. Tu n'as même plus de quoi payer la maison. Tu n'as même pas un endroit calme pour dormir. Aujourd'hui, tu dors chez un ami. Le lendemain, tu dors chez un cousin. Et tu commences à passer ton temps à chercher où il y a des veillées de prière. Et lorsque les gens te voient, ils pensent que tu es un frère engagé. Alors que tu y souffres. Mais humilie-toi. Cherche un homme de Dieu. Cherche même un frère, une sœur. Pour partager ton problème, pour qu'on puisse t'aider. David dit au verset 8, tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu dois d'abord te confier à Dieu là. C'est Dieu qui connaît, il voit nos problèmes, il voit notre misère. Il reconnaît sa situation en ces termes. Car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. C'est ce qu'il dit du verset 10 au verset 11. Quand nous lisons attentivement ce passage, nous nous rendons compte qu'il existe une relation étroite entre notre être intérieur et notre être extérieur. Quand David dit « J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin », ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont les soucis, la détresse, ce qu'il vivait au fond de lui-même qui commençait à se répercuter au niveau du corps. Il arrive souvent que celui, par exemple, qui commence à développer des soucis, la détresse, puisse commencer à vivre des insomnies. C'est ton cas, toi qui m'entends. Tu n'arrives plus à dormir. Et regarde, quand tu te réveilles, tu te sens fatigué. Ton visage devient usé quand les gens te regardent. Tu n'as même pas 40 ans, les gens commencent à te confondre à une femme de 50 ans, de 60 ans. Ce n'est pas bon. Tu peux commencer à vivre, à expérimenter des maladies, des problèmes de gastrite, des problèmes de colopathie, des migraines qui n'en finissent point. Il y a ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Alors, il faut que tu te décharges auprès du Seigneur. Et tu peux chercher un homme de Dieu pour partager. Ne continue pas à souffrir comme ça. Je parle à une femme. Tu souffres parce que tu vis un calvaire dans ton foyer. Ta belle famille ne t'aime pas. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Ne garde pas ça. Ça commence à ronger ton âme. Ça commence à ronger même ta santé. David dit, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Nous avons besoin du Seigneur parce que c'est lui la solution. C'est Jésus qui est capable de te décharger. Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de te guérir. Nous allons le louer. Nous allons le glorifier. Chantons ce cantique. Et sagesse, il ouvre un chemin. Sagesse, il ouvre un chemin pour toi. gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Yahvé Shammah, le Dieu qui voit notre misère. Il connaît nos douleurs. Je vais te demander d'élever ta voix là où tu es. Tu vas commencer à prier pour lui dire merci. Merci pour cette parole. Merci pour ce qu'il fait. Au nom de Jésus, élève ta voix. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur microphone, le révérend Dieudonné Ngoumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan. Nous rendons grâce à Dieu, à nos frères et sœurs, vous qui suivez OSB, partout où vous êtes, dans d'autres pays africains, au Maroc, en Afrique du Sud, au Congo RDC, à Brazzaville, au Cameroun, et même en Europe, vous êtes en Belgique, vous êtes en France, en Allemagne, en Italie, vous êtes aux États-Unis, au Canada. Que Dieu vous bénisse. Partagez OSB avec d'autres frères et sœurs. Et si cette émission vous fait du bien, vous pouvez nous les faire parvenir. Nous faire parvenir vos avis. Et Dieu vous bénira. Et si vous voulez soutenir cette radio qui vous édifie, vous pouvez les faire selon que Dieu puisse va vous convaincre. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 31, versets 1 à 11. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous délivre de nos ennemis et qu'il nous libère des pièges qui nous tendent. Peut-être que toi, tu es tombé dans un piège. Tu vas prier pour que Dieu te délivre de ce piège. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Oh Dieu, ce matin, nous te rendons grâce, nous te glorifions et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que tu nous as donné l'opportunité de nous coucher hier, de nous endormir et de nous réveiller en bonne santé. Nous exprimons notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous nous tournons vers toi ce matin et nous demandons, Père, que tu nous délivres de nos ennemis, que tu nous délivres de nos adversaires, que tu nous délivres du méchant, de ceux qui complotent contre nous, de ceux qui veulent nous détruire, de ceux qui tendent des filets pour nous saisir. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu envoies ta délivrance. Donne-nous, ô Père, le discernement pour identifier les projets, identifier les plans iniques de nos ennemis et de nos adversaires et délivre-nous de ces projets. Par ton Esprit Saint, ô Père éternel, fortifie-nous. Je prie pour mon frère qui m'écoute ce matin. Je prie pour ma sœur qui intercède avec moi ce matin. Et je demande que tu les délivres du filet de l'oiseleur. Ceux qui sont liés par les projets unique. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que ces liens sont démantelés, ces liens sont désactivés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel parce que tu nous fortifies. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Père éternel parce que tu nous conduis dans le sentier de la justice. Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci parce que nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire. Qu'avec toi, nous aurons la victoire. Et qu'avec toi, nous serons toujours de bons ambassadeurs. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour les jeunes hommes, les jeunes filles qui tombent souvent dans des pièges parce qu'ils recherchent les mariages. Ils recherchent des maris, des femmes. Il y a ceux qui courent derrière l'argent. Nous allons prier pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Qu'ils entrent dans un mariage qui est conforme à la volonté de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te remercier ce matin parce que tu es le maître du ciel et de la terre. Tu as le cœur de tout homme dans tes mains et tu les orientes comme un courant d'eau. Tu es celui-là qui nous dirige. Tu as fait des promesses sur notre vie que tu vas réaliser en son temps. Mais notre Dieu, notre Père, nous avons des difficultés avec notre environnement immédiat. Nous avons des difficultés avec le temps. Quand nous voyons certaines situations, on n'a pas encore d'enfants, on n'est pas encore marié, on a un certain âge, on se préoccupe, on est inquiet, on a peur. Et ça nous amène à te désobéir. Ça nous amène, notre Dieu, à désobéir à la parole de Dieu, à rechercher le tout de suite. Mais nous te supplions ce matin, nous t'implorons ce matin, nous t'invoquons ce matin pour te dire que Seigneur, nous avons fauté, nous avons mal agi, nous voulons revenir à ta parole, nous voulons nous jeter dans tes bras. Tu es la seule personne, notre Père, qui peut nous libérer, qui peut nous pardonner, qui peut nous gracier. Nous sommes encore sous la grâce. Seigneur, nous t'en supplions. Beaucoup de tes enfants ont dévié. Viens au secours de tout cela ce matin. Viens au secours, Seigneur. Que ta main se tende sur tes enfants et les récupérer dans la main du diable. Viens à leur secours et agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons présenter à Dieu notre misère, notre état d'âme, nos difficultés et ayons l'assurance qu'il nous soutiendra. Au nom de Jésus, tu vas répandre ton âme. Si tu as des difficultés que tu vis, tu vas dire comme David, Seigneur, vois ma misère, vois mon problème, vois mes difficultés. Au nom de Jésus, viens à mon secours. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous crions à toi parce que tu es un bon Père. Tu viens de renouveler ce matin tes bontés dans notre vie, tes bénédictions de tout genre dans notre vie. Seigneur, parmi nous encore, il y a beaucoup qui vivent dans la misère, beaucoup vivent dans le manque, beaucoup ne sont pas mariés, elles pleurent. L'année est en train de finir, nous sommes dans le quatrième trimestre de l'année. À cause des températures qui changent, certains sont malades, certains souffrent. Dans cette saison, certains n'arrivent même pas à épargner. Certains ont été renvoyés de leur société. Certains ont perdu leur travail. Certains n'ont même pas encore retrouvé leur travail. Certains ont été grugés sur la situation de leur terrain. Leur maison qu'ils espéraient, Seigneur, n'est point dans leurs mains. Les choses qu'ils veulent faire n'y arrivent point. Et beaucoup sont sous le filet de l'oiseleur. Beaucoup sont sous le joug du diable. Beaucoup sont angoissés. Beaucoup pleurent. Aie pitié, Seigneur, dans la détresse de tes enfants, je t'invoque, viens à leur secours, viens confondre l'ennemi dans leur vie, viens briser les œuvres de l'ennemi, fais-les sortir, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Éternel, que toute angoisse, tout ce qui empêche tes enfants de voir ta lumière soit brisé, ressuscite le cœur de quelqu'un, la vie de quelqu'un, la destinée de quelqu'un, manifeste ta grâce, Seigneur, ouvre une porte, délivre mon frère, guéris cette sœur, libère ce frère, cette sœur des mains de l'impudicité. Merci d'opérer encore un miracle et d'ouvrir encore un nouveau chapitre dans la vie de ce frère. Bénis cette famille qui te prie, tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur, qu'ils ne soient point confus et restaure leur visage. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir et à très bientôt. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.